Le roman de mes romans par Hector Malot. Ce n'est point pour expliquer la valeur de ceux de mes romans qui ont réussi que ce livre est écrit, ni pour plaider les circonstances atténuantes en faveur de ceux qui ont eu une moins heureuse fortune. Rien d'esthétique, tout anecdotique. L'esthétique n'est pas mon affaire, ayant toujours pensé que le romancier se met en posture ridicule quand il s'explique ou se défend. Tandis qu'il me semble être dans son rôle quand il compte le roman de son roman, comment il en a eu l'idée, comment il l'a étudié, où il a pris ses personnages, dans quelles conditions il l'a exécuté. C'est ce que j'ai tenté. Sans doute je ne me suis pas dissimulé que s'il y avait des probabilités pour que cela n'intéressât pas les lecteurs qui ne me connaissent point. D'autre part, il suffisait que parmi ceux qui m'ont si longtemps été fidèles, il y en eut quelques-uns qui eussent la curiosité de ces détails pour que je leur fisse le plaisir de les leur donner en même temps que je me ferais ce plaisir à moi-même. Cette forme de livre étant adoptée, il est évident que je vais parler de moi tout le temps. Ceux qui n'aiment pas ça sont avertis, mais comme ce ne sera pas pour m'étendre sur mon talent, ni pour mettre mon esprit en relief, ni pour collectionner mes mots spirituels, ni pour constater que je ne manquais ni de beauté, ni de courage, ni de générosité, ni d'à-propos, en m'opposant à mes confrères enlaidis adroitement, on me pardonnera peut-être.